Bonjour et bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique, l'endroit où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. On est les frères Cassette et puis c'est le party dans les studios de la barrique parce que, oh my god! Vous devriez voir... c'est quoi ton nom, toi, déjà? Gaétan. Vous devriez voir Gaétan danser comme un mongol sur notre toute nouvelle chanson d'intro. On est enfin, comment dire... Une petite coche au-dessus de ce qu'on faisait avant. Ouais, c'est ça. On n'est pas encore professionnel. On vient d'arriver à amateur là, avec le avec la toune. Ouais. Dépassé médiocre. Là, on est amateur. Fait qu'on aimerait premièrement remercier DJ Verpact, alias Arnaud Audette, pour cette fabuleuse chanson faite en 8 bits. Merci beaucoup. On est bien content, puis il a dit qu'il serait bien intéressé d'en faire plus. Fait que on va probablement y demander d'autres affaires. On verra. Ça va être des petites surprises, des petits cadeaux. On verra. Fait que sans plus tarder, embarquons tout de suite dans le vif et le feu du sujet. Qu'est-ce qu'on review aujourd'hui? On va parler de South Park Stick of Truth. All right! Il était temps, on avait tous hâte d'y jouer. Ok, donc, oui. C'est ça, c'est... J'ai fait la file pendant un mois pour ce petit jeu-là. Écoute, c'est très en demande, fait qu'il faut attendre puis le jouer quand on peut. Ouais. Et qui dit South Park, évidemment, va dire beaucoup de jokes de pet. Et que de mieux pour aller avec un jeu dont une des parties centrales est le pet, on y reviendra, qu'une bière qui se nomme la Hurlevent. Et oui, la Hurlevent de la microbrasserie Le Trèfle Noir, qui est une très bonne microbrasserie. Je pense qu'on a... Ils font des très bons produits, moi je les adore. Ouais. Puis celle-là. La Chronique, c'est... la Foublonne. Exactement. Et notamment la Auburn Evil. La Auburn Evil, qui est une excellente Scotch Ale. Oh que oui. On n'a pas trouvé de jeu pour la matcher. Ça prendrait un jeu de Lumberjack, mais j'ai pas encore. Tu sais, je voulais pas nécessairement dépenser pour Lumberjack Simulator 2014. Peut-être dans, je sais pas, la prochaine paye, on verra. Mais parce que les contrôles de la Wii pour manier la scie et la chainsaw sont pas super au point encore, fait que ça vaut pas vraiment la peine. Non, c'est ça, je vais attendre l'édition 2015 sur PS4 avec des graphiques Full HD en 4K, là, ça va être écœurant, man. Fait que, ben écoute, sans plus tarder, on va y aller avec le débouche. Hein? Pas le choix. Fait que, direct dans le micro, comme d'habitude. Hein? Ah, ouais. Fait qu'on a toujours un bon débouche. Je vois que t'as de la misère avec ton petit porte-clés tout rouillé. Toutes les semaines, tu dis la même chose, puis t'as toujours raison. Ce qui me rend un peu triste. Fait que versons ça tout de suite, genre. Vous aurez entendu un coup de bouteille de bière sur le bord du verre. Ça, c'est de ma faute. Je suis pas très... Vous voyez, j'accroche mon pied de micro. C'est pas très bon, mon affaire. Ça va pas mettre ton bord. Non, du tout. Parce que j'ai pas vraiment la bonne forme de verre. Fait que moi, je me suis ramassé avec un beau panache de... T'as autant de mousse que de bière, finalement. Exactement. Mais dans ton verre à toi, qui est une belle coupole... Ouais, non, ça sort mieux. C'est parfait. Fait que, bon, aux personnes intéressées, là, ça prend pas une flûte. Ça prend absolument un verre en coupole. Tu sais, genre un... Comment qu'ils appellent ça, là? Un calice. Un calice. Des fois, ça s'appelle CH. D'autres fois, c'est avec un K. C'est ça. Fait que un chin première à toi, gorgée. Et à cette critique, oh super que oui. C'est pas pire. Ça se développe. Alors, on parle ici d'une double belge. Oui. Qui à la couleur, à la lumière, est quand même assez foncée. Je l'aurais peut-être attendu plus pâle. Non, c'est brun, là. C'est un brun bien prononcé. Mais c'est pas si intense dans la bouche, dois dire. Non, c'est bien balancé. Oui, c'est bien balancé. T'as beaucoup de saveurs. T'as beaucoup de saveurs différentes, mais c'est pas trop fort pour, tu sais, comme les bières de Noël, disons, là, comme ceux qu'on avait goûté dans notre épisode de Noël, qui était peut-être un peu plus intense sur le goût, ça, c'est bien dosé. Mm-hmm. Disons que ça va pas chercher autant les épices. Je dénote quelques arômes de caramel c'est bord, mais vraiment très fin, là. Puis une petite finition agrumée comme ça. Bon, on aime ça de même. On aime bien ça de même. Yes! Ça fait que Stout Park, le bâton de la vérité, c'est un jeu développé par Obsidian Entertainment en partenariat avec les South Park Digital Studios, évidemment. En effet, puis c'est les créateurs de South Park qui ont supervisé le projet. Matt Stone et Trey Parker, yes, qui sont derrière à peu près toutes les étapes du projet imaginables. Puis c'est à peu près la seule façon que le jeu aurait pu être bon, parce que sinon, oui, ça aurait été de la merde. On va se souvenir de South Park 64. Puis le pire 115$ que j'ai investi dans ma jeunesse. Écoute, je pense. Ben, je pense que ça valait la peine juste pour pisser sur des balles de neige que tu pouvais lancer. Ah, mais à partir de ça, là, c'est. Non, non, non. Non, mais c'est parce que tu sais, après 15 minutes de. Plus capable. C'est un jeu qui vient avec une lame de rasoir, je pense. Hein, ouais, c'est ça. Ah, écoute, il donne des bouchons avec. Ah, tabouena. Fait que c'était supposément. Ben, ça s'en allait être distribué par THQ, qui malheureusement a fermé ses portes. Donc c'est Ubisoft qui a repris le flambeau. Et puis apparemment, Mattson et Trey Parker étaient quand même très heureux qu'Ubisoft leur ait donné l'extension de temps pour compléter le jeu et aussi la carte blanche pour faire à peu près ce qu'ils voulaient, parce que quand on joue au jeu, aussi bol, hein, c'est rated R. Ah, ça fait, je veux dire, c'est rien de plus que ce que vous avez déjà vu dans un épisode de South Park, mais c'est tout aussi pire. Non, exactement. C'est rien de plus dégoûtant ou de plus choquant, mais c'est tout aussi pire. C'est la même affaire. Fait qu'en gros, c'est quoi? C'est un role-playing game. Oui, turn-based. Turn-based combat 2D. Ouais, exactement. Fait que, bon, mettons que t'as Télétoon, hein, mm-hmm, mettons, ou bien que t'as Comedy Central, mettons, puis que, tu sais, là, il est comme 11h, puis que t'allumes ta TV, puis t'arrives à ton poste, puis que Star Park joue, là, ouais, ben quand tu mets le 10 dans la console, puis que tu le pars, c'est la même affaire. Littéralement. Chapeau, ouais, littéralement, chapeau à ça, parce que visuellement, c'est hallucinant comment est-ce que c'est beau. Mais parce que c'est la même. Non, on contrôle un épisode de télévision. Là. Oui, on aurait pu s'attendre à avoir un visuel qui ne match pas nécessairement avec l'émission, qui essaie de le reproduire, mais qui n'y arrive pas vraiment. Mais là, c'est vraiment. C'est le fait aussi que ce soit en side-scrolling pour la plupart du temps, ça fait en sorte que ça peut pas ressembler à l'émission. Ils ne pouvaient pas faire autrement, puis je pense que c'était un des désirs des deux créateurs, ben, aussi, que ce soit exactement ça. C'était un peu ça qui n'a pas créé de la controverse, mais qui créait des discussions quand le jeu était annoncé, puis tout, parce qu'on n'était pas sûr de ce qui était des vidéos de gameplay, puis ce qui n'était pas des vidéos de gameplay, parce que c'était littéralement comme regarder un épisode. Fait que, ouais, tu te demandais, ben, ok, mais ça se passe vraiment dans le jeu, ou c'est juste une cinématique, ou Alors, pendant qu'on est sur ce sujet-là, qui est de regarder une émission de télé, on doit vous offrir un disclaimer pour cet épisode-ci, parce qu'on a deux regards différents sur le jeu. Il y a ça. Dans le fond, Gilles l'a déjà joué, ouais, d'une bonne partie. Moi, je l'ai regardé pour la simple et bonne raison que j'ai pas pu louer le jeu, puis ça me tardait pas nécessairement de payer 70$ pour un jeu qui dure 15 heures. Mais je l'ai regardé, par contre. J'ai regardé des let's plays puis des vidéos sur YouTube. Fait que j'ai pas mal vu tout le walkthrough complet. Fait qu'on a la vision du spectateur et du participant. Ouais. Puis ça va se ressembler pas mal. Ça risque d'être la même calique d'affaires, mais au moins, vous le savez. Ben là, premièrement, moi, je vais mettre un bémol. Ben, c'est parce que tu dis que c'est un jeu de 18h, tu vois, de 15h. Moi, je suis rendu à 18h dans ma game, puis je suis probablement juste à la moitié. Ouais, mais. Fait que si on se concentre sur la quête principale, ouais, bon, ok, peut-être, là, 15h max, là, mais si t'explores tout, puis que, en tout cas, t'essaies de passer par toutes les collectibles, parce que péter sur du monde, là, ça prend du temps. Non, c'est ça, puis ramasser tous les chin Pokémon, puis toutes les... C'est quoi, la quête de chasse de Jimbo aussi, où il faut que tu aies tué des ennemis précis, dans le fond, des bébés, oui, des rats, des trucs comme ça. C'est une quête qui va nous amener jusqu'au Canada. Oui, oui, oui, ça, c'est vrai. J'ai complètement oublié ça, mais oui, jusqu'au Canada. Puis non, ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup de side content à faire dans le jeu. Puis il est vraiment bien amené dans le sens où tu vas voir des trucs en jouant normalement, puis tu vas voir, mettons, une place où tu pourrais aller, mais que tu peux pas nécessairement aller là. Fait que tu sais que tu vas y retourner un jour pour aller chercher de quoi. Ben, c'est basé sur le backtracking à la Zelda un peu. Là. Tu vois qu'il y a quelque chose, t'as pas encore de l'habileté, tu te progresses dans le jeu, on te la débarre, on te la donne. Mais tu veux retournes pas, là, tu peux. Je veux dire, le monde, c'est la ville de South Park, puis tu te promènes dedans comme tu veux. Fait que ça fait en sorte qu'il y a place à revenir à un paquet d'endroits pour aller débloquer des nouveaux trucs. Ouais, ouais. Puis ça, c'est bien, vraiment bien fait. C'est à cause de ce jeu-là que Stone et Parker ont dû pour la première fois faire l'étalage de la ville en tant que telle. Ouais, c'est vraiment faire la map. Vraiment mapper. Ouais. Ça donne un bon résultat. Ça fait du sens quand tu le regardes. Ça fait il y a toujours... le centre-ville, il y a le côté résidentiel. Ça fait toujours un peu weird, justement. Il y a le bord d'attaque où est-ce que Kenny habite. Toujours. Mais ça fait toujours un peu weird, justement, parce que dans notre tête, on n'est pas habitué de voir cette ville-là mappée. T'sais, c'est un peu comme mapper Springfield. T'sais. Exactement. C'est, y a ou des Twin Peaks. Ouais, c'est ça. C'est des villes que tu sais, tu connais par bout, mais que mis ensemble, c'est un peu dur. C'est comme quand il a fait la première vraiment map, le blueprint de la maison des Simpsons, t'es comme, ok, c'est le même. Tu sais, j'avais pas vu nécessairement les. On se faisait toute une idée, mais. Ouais, c'est ça. Quand on est pas dans la tête à Grinning, on le sait pas. Ouais, exactement. Fait que tu sais, t'es capable de connecter un peu en regardant les autres pièces à partir de la pièce dans laquelle ils sont, mais tu sais, un coup, tu vois l'ensemble complet, t'es comme, ok, c'est pas le même, j'imaginais. Fait que c'est. Bon, c'est quoi en gros l'histoire de Stick of Truth? C'est que ça commence en étant. Vous êtes le new guy qui arrive à South Park, puis dès que vous êtes emménagé dans votre maison, vos parents sont déjà plus capables de vous. Ah, et vous sac dehors en vous disant « Allez vous faire des amis, toi. » C'est à peu près ça. C'est ça que tu fais. Fait que tu sors, tu t'en vas dehors, puis qu'est-ce que tu vois? Tu vois Butters en train de se faire péter à la gueule ben raide. Toujours, parce que Butters. Parce que c'est lui, sa classe, c'est le born victim. Hein? Ouais, si t'avais bien vu. Vrai. Fait que une fois qu'on sauve Butters, ben là, tout déambule. Il nous amène dans le Kingdom of Koopa Keep, ouais. Le KKK, pour faire court. Et c'est là qu'on rencontre le grand magicien. Qui est Cartman. Évidemment. Et puis, il nous explique en gros qu'est-ce qui se passe dans tout l'univers de South Park à ce moment-là. Il y a les elfes contre les humains. Et puis, les humains sont les protecteurs du bâton de la vérité. Puis là, les elfes l'ont pris. Fait que là, les humains veulent le revoir. Fait que là, il y a toute la guerre qui va Et tout ça commence, ouais. Exactement. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça part de même. Ouais. Fait qu'il n'y a pas plus long à dire. Mais dans le fond, tu commences, puis Cartman est un peu ton mentor. Fait que là, il va te faire choisir une classe, va te faire choisir un nom qu'il ne respectera pas. Absolument. Puis moi, je suis resté ben surpris de ça, d'ailleurs. Ouais, hein, ouais, ouais. Tout ton playthrough était... Ben, c'est parce que, tu sais, moi... Je décide de faire mon funny ballonné comme d'habitude, puis je me suis appelé Bot Lorax McDouche. Tu vois? C'est quand même pas pire. Je suis allé chercher un nom qui est très South Park. Dès que mon nom est choisi, on a South Park qui dit. On a Cartman qui dit. Fait que, ok, t'as dit que ton nom c'était Douchebag, c'est ça? Je suis resté d'ailleurs la terre. Non, c'est ça. Ah ouais, mais il a reconnu mon nom. C'est comme ça pour tout le monde. Il fait juste t'appeler Douchebag tout le long du jeu. Puis c'est juste bien tombé finalement. Non, c'est ça. J'étais fait pour jouer à ce jeu. Exactement, c'était juste un très bon add-on. Puis c'est un coup, t'as choisi tes trucs, là, t'apprends un peu à te battre, puis après ça, t'es comme un peu le slave de Cartman, puis tu vas faire ses quêtes, tout ce qu'il veut. Fait qu'en gros, on se promène dans le monde, on a un bouton pour pouvoir avancer plus vite, on a un bouton qui nous permet d'attaquer, donc d'utiliser notre arme à main, de casser certains objets qui nous permettent d'accéder à d'autres endroits qui étaient, bon, pour ainsi dire, barrés. Le right stick sert à péter sur le monde. Oui. Ce qui est important. Ce qui est très important parce qu'il y a quand même quelques achievements qui tournent autour de ça. Et la magie tourne autour des pets aussi, mais ça, c'est quelque chose qui vient plus tard dans le progrès. Oh, ouais. Sinon, c'est ça. Quand on regarde notre inventaire, on peut mettre un chapeau, un vêtement puis des gants. Mm-hmm. Et la plupart de tous ces vêtements-là sont customizable dans le sens qu'on peut y rajouter un perk quelconque, plus de PP ou plus d'armure ou non, des choses comme ça. C'est des patchs que tu ramasses dans le fond pour mettre sur ton équipement puis qui vont faire en sorte que tu auras des stats améliorées pour le temps que tu vas la porter. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux l'interchanger quand tu veux puis il n'y a vraiment pas de problème. Si à un moment donné, tu es tanné d'avoir une patch qui donne plus de vie parce que tu veux plus de power, ben tu peux le switcher on the go puis ça va super bien. Ouais. Puis il y a même affaire avec les armes, fait que c'est ça. Puis on ramasse tout au long du jeu là, plein d'autres coupes de cheveux, plein d'autres. Ouais, c'est ça, parce que quand tu crées ton personnage, t'as quand même beaucoup de choix pour customiser ton personnage. Mais plus le jeu avance, plus qu'on va t'en donner. Puis c'est le fun parce que tu peux vraiment faire de quoi de complètement ridicule qui fait pas pendant tout. Ouais. Puis, et parlant des personnages, il y a 5 classes. Il y a le genre guerrier. T'as le guerrier, t'as le thief, t'as le voleur. Ouais, il y a le genre un magicien. Y a-tu un genre de elf aussi ou quelque chose comme ça? Non, mais j'ai oublié, c'était quoi? En tout cas, le quatrième, on s'en fout parce que le meilleur de toute la gang, c'est le juif. Le juif. Ouais. J'ai pas eu le choix de commencer ma game en étant juif. Ben, c'était pas le choix. T'sais, on te le propose. Ben, pourquoi pas? C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on connaît, nous, genre Roman Christian, là, de descendance chrétienne. Là, non, dans non, non, on n'est pas vraiment toujours exposé à ça. Fait que je me suis dit, peut-être en apprendre davantage. Je veux dire, il y a peut-être le petit parfum au bout de la ruelle. Lui, je pense qu'il est juif, mais je suis pas sûr. Là, il ne l'a jamais vraiment... Le petit parfum. Ouais, tu sais, le petit parfum au bout de la ruelle, celui qui se prend toujours avec une barouette qui manque une roue, là, c'est comme pas super le fun. Je me souviens pas de ce personnage-là. Ah, bah, en tout cas, je te le représenterai plus tard. Ouais, d'accord. Puis toujours est-il que si on commence la game en juif, ben, il y a un achievement qu'on pourra débloquer plus tard seulement si on est dans cette classe-là. Ouais. Ouais. On vous laissera le plaisir de le découvrir. Fait qu'une fois que ça c'est fait, ben, c'est sûr que chacune des classes va nous donner de 4 à 5 habilités spécifiques par classe. Ouais. Mais chacune des armes et chacun des vêtements sont partageables, peu importe la classe. Ça non, change absolument rien. Mais en fait, c'est un peu le défaut du système de classe de South Park, c'est que tout se ressemble. Ouais. T'as des petites différences, mais pas assez pour dire, admettons, je viens de finir un playthrough en tant que guerrier, je veux le recommencer en tant que magicien pour voir ce que ça donne. Ça va pas donner grand. Ça va pas être une grande différence, du moins pas assez grande pour faire comme, ok, ça vaut la peine que je me reclaque le 15-20 heures de jeu que j'ai mis. Ça va être sensiblement la même chose. Fait que, la seule différence près, c'est les habiletés qui ne se ressemblent pas de classe en classe. Non, c'est ça. Tes attaques sont juste pas pareilles, mais juste tes attaques spéciales. Tout le reste, c'est pareil. Oh, exactement. Fait que c'est pour ça que. Ce petit côté-là, il aurait pu être un petit peu mieux exploité selon moi, mais rendu, c'est une... Mais ils ont tellement fait un bon job partout ailleurs. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'on chialera pas. T'sais. Parce que c'est ça. Le partout ailleurs, c'est quand t'arrives à une zone ou quand une cinématique part, c'est l'émission de télé, là. C'est exactement ça. T'arrives en cours à Cartman, puis là, c'est Cartman qui t'accueille avec les mêmes jingles audio qu'on est habitué à entendre dans l'émission, puis tout ça. Ce qui fait que c'est comme si tu regardais une émission de télé de South Park qui dure 15-20 heures, puis tu payes sur des pitons pour débarrer la suite. À peu près. Sans publicité en plus. Mais ce qui est le fun, faut le dire. Moi, ce que j'aime vraiment du jeu aussi, c'est que c'est un gros fan service. Tu vas te promener dans la ville, tu vas pouvoir rentrer dans les maisons des personnages, comme la maison de Cartman. Tu rentres dedans, tu vas dans son garde-robe, puis tu trouves le costume de Awesome-O, tu trouves des vieux disques de Faith Plus One, tu trouves vraiment un paquet d'affaires qui ont servi dans l'émission, puis qui sont là. Références, là. C'est juste des références, puis toutes les musiques du jeu, c'est toutes des musiques qu'il a déjà jouées dans l'émission. Fait que Peu importe le commerce dans lequel tu rentres, là, c'est une toune qu'il a déjà jouée dans l'émission. Non, c'est ça. Souvent, tu vas rentrer, ça va être genre la toune de Taco de Jennifer Lopez, là, puis... Sinon, I'm gonna make love to you, de chef là, qui joue n'importe où. Fait que, je sais pas comment ils ont réussi à copyrighter sa voix vu qu'il est plus sur le show. Ça... Il avait déjà probablement possédé la chanson avant. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est mon hypothèse. Là, peut-être, mais on y reviendra. Tout ça pour dire que quand vous allez aller dans la chambre à Stan, son garde-robe, lui, il est pas ouvrable. Non. Il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans. Il y a ça aussi. Si vous avez déjà écouté South Park assez suivi assidûment, là, vous allez savoir de quoi on parle, mais c'est une belle petite surprise, ça. Là. Donc, tout ça pour dire que tout le monde y passe. Il y a personne qui est laissé de côté. Il y a personne qui est, comment dire, immunisé contre l'irrévérence de South Park. Non. Puis c'est ça qui fait que South Park, c'est pas. Je veux dire, c'est choquant, mais c'est pas choquant envers quelqu'un en particulier. C'est tout le monde y passe. C'est pas on va niaiser les Juifs, on va niaiser les Asiatiques, c'est on niaise vraiment tout le monde, puis je veux dire, ils se niaisent eux-mêmes, tu sais, à travers tout ça, puis c'est ça qui fait que c'est beau, t'sais. Ça, c'est un excellent point que t'amènes de se niaiser eux-mêmes, parce que le quatrième mur, je pense qu'il est cassé dès le début du jeu, puis il est jamais reconstruit. Hein. Ah non, c'est ça, eux autres, ils s'en sac, là, ils parlent directement. Ah ouais, absolument, parce que quand on tombe en combat, évidemment, vu que c'est du turn-base, il y a beaucoup de décisions à prendre, c'est très stratégique. Là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends de l'énergie? Est-ce que je vais donner de l'énergie à mon partner? Est-ce que je fais tel genre d'attaque sur l'autre? Puis pendant que t'es en train de décider, t'as un de tes amis qui va dire « Hey, c'est ton tour à qui, là? » On est tout le temps en train de remettre en question qu'est-ce qu'on est en train de faire. Moi, je trouve ça super comique. Mais tous les petits dialogues qu'il y a pendant les combats sont vraiment... C'est fou, là. C'est super bien pensé. Ouais. C'est juste la petite ligne qui fait que ça va être vraiment drôle. Ouais. Ça peut devenir répétitif quand ça fait 15-20 heures que tu joues. C'est sûr. Parce que souvent, c'est les mêmes si lignes. Tu t'attaques aux mêmes ennemis. Ouais, c'est ça. Mais même en dehors de ça, je te donne un exemple. Tu avais genre Butters, que son attaque spéciale, il devient c'est quoi le nom, professeur Chaos. Ouais. Bon, puis il dit tout le temps la même ligne, tout le temps le même dialogue. Fait c'est l'équivalent du X-ray attack dans Mortal Kombat, que ça aurait été donc le fun qu'il y ait une variabilité dessus. Fait que ça fait en sorte que c'est super drôle les premières fois que tu l'as, mais à un moment donné tu t'ennuies un peu, tu sais. C'est comme la première attaque que tu sacs un coup de batte de baseball en face de quelqu'un, ça fait mal sur le coup, t'es comme « Ah, c'était cool, tu sais! Ouais. » Puis après ça, t'es comme « Ok, après ça, ça devient, ça devient trop stratégique peut-être. Il y a trop d'arrière-pensée qui vient, parce que plus qu'on progresse dans le jeu, dis-je, plus que les ennemis deviennent forts. C'est « Bon, on va faire ça encore une fois, puis là, faut que je fasse ça pour le déstabiliser, faut que je fasse ça pour y enlever son shield, faut que je fasse... » Ouais, c'est sûr que tu remarques moins à partir de là les lignes et tout ça. Et les nuances. Mais toujours est-il que je trouve qu'il y a une belle variété d'ennemis quand même. Ouais. On se bat autant contre des rats que contre des guanobats que contre des zombies nazis. Ça vient plus tard. On se bat contre la horde de Mongorians. Ouais, les Mongorians. Chose que j'ai trouvé super drôle. Surtout que juste avant, on se fait demander par le gars du Chili Walk d'aller tuer leurs enfants. Ouais, c'est ça, c'est vraiment rough. On est toujours dans ce degré d'humour-là où est-ce que ça fait mal quand on l'entend, mais vu que c'est South Park, on leur pardonne. T'as pas le choix. Puis non, c'est ça. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que il essaye de varier ça quand même pas mal avec les endroits que tu vas aller. Je t'ai un exemple, à un moment donné, tu fais une quête pour les gnomes, les underpants gnomes. Là, j'ai oublié le nom en français, mais les gnomes voleurs de slip, c'est ça que je cherchais. Voleur de slip. Ouais, je pense que c'était ça. Hey boy. Puis, ça, dans le fond, tu vas les suivre, puis tu es devenu tout petit, puis tu te promènes dans les murs de ta maison. De ta propre maison, oui. Puis tu vois des affaires. Oh, ça passe. Disons qu'il y a un quick time event à un moment donné où est-ce que la chose que tu dois éviter, c'est genre évite là parce que c'est comme pas le fun. Mettons. c'est dur. On voudrait le dire, c'est quoi, mais faut le vivre. C'est ça. T'as pas le choix parce que là, ça brise la surprise, mais c'est de le voir, t'es tellement sous le choc parce que c'est comme impensable, puis tu te dis, ils ont sorti ça, là. Ils ont fait ça. Là. Puis autant toi, Gaétan, qui l'a regardé que moi qui l'a joué. Ah, ça fait la même affaire. C'est doublement satisfaisant. Là. Écoute, ben, peut-être une légèrement supérieure satisfaction quand tu l'évites toi-même. Mais c'est le genre de jeu parfait pour être en gang de 4 chummés avec la bière et on se passe la manette aux 15 minutes parce que tout le monde va rire aux mêmes endroits. Mais c'est le principe de... Vu que c'est comme un épisode, c'est le fun à regarder aussi. C'est pas juste de le jouer. Comme je dis, les dialogues, tout ça, c'est parfait pour écouter. Fait que c'est aussi le fun dans la gang que tout seul. Absolument. Sinon, si c'est pas plus le fun. Fait que, en regardant le temps, c'est pas mal le temps de la gorgée du milieu. Mm-hmm. Fait que t'es déjà dedans, à ce que je vois. Au bout de quoi tu parles. Fait que, m'a te laissé dire qu'est-ce que tu penses pendant que moi j'en prends une popée de grosses gorgées pour être sûr. Là. Moi, la journée d'avant, je la connais déjà, puis c'est mon coup de cœur l'année passée. Écoute, toujours aussi bonne. Je pense que je reviens à ce que j'ai dit au début, mais c'est la balance qui fait que cette bière-là est bonne. C'est le fait que, oui, t'as un petit peu plus de saveur que dans quelque chose comme une ale bien normale. Mais c'est pas trop intense pour faire comme tu sais, t'en bois 3 gorgées puis t'as mal au cœur. Ouais, je pense que le mot-clé ici est exactement ça, la balance, parce que on pourrait s'attendre. Parce que c'est quand même une bière à quoi là? C'est 7,5%. Ouais. C'est pas de la petite bière. Mais c'est pas une bière qui va goûter l'alcool. C'est pas une bière qui va tomber sur le cœur à cause de son taux d'alcool. C'est une bière dont justement là, la balance est correcte. Les mots nous manquent. Si jamais vous avez d'autres suggestions de mots et de qualificatifs à utiliser, s'il vous plaît, écrivez-nous au @barriquenum sur Twitter et ou la barrique numérique sur notre compte Facebook. On accepte tous les mots, écoute. Ils peuvent être la grand-mère. Ça nous prend plus de mots. Non, c'est ça. On n'a pas assez d'argent pour se payer un becherel ni un dictionnaire. S'il vous plaît, bout de vierge. On va se créer un compte PayPal, envoyer de l'argent, on a besoin. S'il vous plaît, on fait dur, on est en train de perdre notre langue. Non, mais sérieusement, c'est. Puis moi aussi, je la connaissais avant. On l'a choisi ce soir justement à cause du jeu de mots. Fait que, une très très très bonne bière qui se boit très bien en jouant au jeu ou en en parlant. Absolument. Puis même en n'en parlant pas, c'est toujours aussi de bon. Ah, ben oui. Ben là, il y a comme Canadien qui joue au hockey ces derniers temps. Là. Kanaki. Canadien. Connais pas. Canadien. De Montréal? Les Whalers, peut-être? Oh, palais! On est en quelle année, là, exactement? Je sais pas, mon calendrier de 84, il a pas été renouvelé, fait que... Il y a des bien bonnes chances. C'est qui le capitaine en 84 des Whalers? Là, tu m'en poses une bonne. Ah, t'es un faux! Dang it! Fait que... Poursuivons dedans nos moutons. Faudrait parler de l'interface aussi du menu de South Park qui est Facebook. Ouais, ben en fait, c'est tout simplement ça. C'est juste, ils ont pris le principe de réseaux sociaux. Puis c'est une autre mécanique vraiment intéressante dans le jeu. C'est que tout le monde que tu rencontres devient ton ami sur Facebook. Puis là encore là, tu as un côté narratif de plus qui se rajoute parce que sur ton wall Facebook-ish, ils vont te poster des trucs, puis ils vont avoir des conversations complètement ridicules qui vont se passer sur ton wall pendant que tu es en train de faire l'émission, puis tu vas avoir genre Al Gore qui va te texter genre 15 fois pour que t'aies tué le Man Bear Pig, puis t'es comme ouais, arrête. J'ai débarré Monsieur Hanky et sa femme et sa famille. Ah oui, puis ils sont rough, eux autres. Ils sont pas un cadeau à lire parce qu'on voit, en tout cas, on sait déjà que leur relation c'est un peu voué à l'échec, là, mais leur statut Facebook, entre guillemets, sont. Ah, écoute, sont assez graves. Elle là. Qui est alcoolique, lui qui fait son plus son mieux pour essayer d'être super politiquement sauver. Correct, puis tout aille bien, puis non. Puis elle de demander si jamais tu trouves des pilules, peu importe quelles qu'elles sont, amène-les-moi, j'en ai de besoin. Non, c'est ça. Disons que c'est pas pire. C'est rough, là, c'est South Park. Là. Bon, fait que toutes ces amis-là, ouais. On les trouve en se promenant dans la ville, donc chacun des civils, chacun des South Park quoi? South Park quoyens? Les résidents de South Park. Les résidents de South Park. Donc, chacun des résidents de South Park ont un potentiel à devenir ton ami. C'est principalement des personnages connus. Donc, il va y avoir des civils génériques là, qui vont absolument rien donner. Sauf si tu pètes dessus, ils vont dire... mais non, c'est ça. Puis, plus qu'on accumule de nos friends, donc plus que notre statut devient important, on ramasse des perks qu'on peut dépenser puis, pour ainsi dire, là, s'upgrader. Ouais, améliorer notre personnage. C'est ça. Puis, ça varie. C'est le genre d'affaires comme... tu vas faire 10% de plus de dommages si ton ennemi est en feu ou des affaires de même. Non, c'est ça, par exemple, c'est des améliorations qui sont permanentes. Contrairement au patch que tu vas mettre sur ton sur ton équipement, ça, c'est juste temporaire le temps que tu as la patch, mais le perk, c'est vraiment genre tu l'as jusqu'à la fin, puis that's it. Puis il y a un système de leveling aussi. Leveling, D'étager. Oh boy. Level, étage. Non. C'est parce qu'on a encore eu des maudites plaintes d'office, là, pis là, faut qu'on essaie au moins de dire les deux. Si on n'est pas capable de juste le dire en français, faut qu'on le dise au moins d'un deux langues. Ben, juste avec ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, on a au moins 6 plaintes sur notre cas. Ouais, mais c'est tout le temps toi qui nous rabaisse, hein. Ouais, c'est bien. Mon niveau de langage est pas terrible. Au moins, t'as pas. T'as dit le mot bécherel de la bonne manière, là. Ah ouais, ben écoute, je sais quand même parler le bon français. Fait que c'est ça, à chaque fois qu'on upgrade de level tabarnak, non, c'est ça. on va pouvoir dépenser un point pour améliorer une de nos attaques spéciales. Donc, c'est soit faire plus de dommages, c'est soit faire plus de dommages à plus d'ennemis auto. Puis, dans le cas du juif, on a 4 attaques spéciales qui sont upgradables jusqu'à 4 niveaux supérieurs chacune. Ça, c'est quand même bien. Ouais, ça, c'est même toutes les classes. C'est ça, ça ressemble tout. Là, c'est juste les attaques qui changent. Comme là, il faut que je le dise, là, parce que c'est quand même pas tant un punch. Là. Dans la classe des Juifs, une de nos attaques spéciales, c'est la lance de David. Fait qu'on va mettre une petite roche dans le fond de son bas, on va swinguer jusqu'à ce qu'on pogne l'autre. Il y a une attaque d'art martial qui s'appelle le Jiu-Jitsu. Évidemment. J'ai trouvé ça bien drôle. On peut aussi faire une espèce de circoncision aussi avec une petite lame de rasoir. Fait que tout y passe. Encore une fois, là, ça c'est bien fun et ballonné. Moi j'aime bien ça. Ah, écoute, il y a des scènes pires que ça dans le jeu. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a au moins un bon 30-40 minutes qui se passe dans une clinique d'avortement. Je me suis pas rendu là encore. C'est rough. C'est spécial. c'est pas rose comme con. Non. Surtout quand il faut que t'en simules une sur Randy, le père de Stan. Ouais. C'est un quick time event en plus. Shit, c'est beau. Il y a aussi la scène dedans, un vaisseau spatial. Oui, ben oui. Oui. Randy, avec Randy qui aussi. Est là aussi. Je pense que Randy, il y a un petit quelque chose pour se faire rentrer des affaires. Ben, on sait que lui, il y a un côté très scatologique. Hein? Oh, oui. Parce que dans un épisode, on se rappellera qu'il joue d'un instrument qui est donc son sphincter. Il joue de la musique de même. Puis pour citer les deux gars du bar pendant qu'il joue sa musique, c'est « He only shits his britches ». On aime bien ça. En fait, on dirait que tous les jokes de caca, ils reviennent de lui. T'sais, c'est lui qui essaie de battre Bono en chiant la plus grosse crotte. Effectivement, puis c'est... Bono le bat non, encore. Non, c'est ça. Puis c'était pas lui aussi qui chiait par la bouche puis qui vomissait par la derrière. Ça, je pense puis... c'était Cartman. Ouais, ça se peut. Hey, c'est vieux. C'est parce qu'il y a tellement d'épisodes, il y a tellement de saisons de South Park qu'on n'a pas pu toutes les écouter. Puis malheureusement, on vieillit dans la vie puis il y a des choses qu'on vient qu'à plus avoir le temps de faire. Non, donc écouter South Park, c'est malheureusement une de ces belles activités-là qui finit par... qu'on va en faire un jour. Prendre le bord, là. Ben ouais, à un moment donné, là, on va être rendu à 60 ans, là, puis... On aura juste ça à faire. On aura juste ça à faire dans les belles résidences soleil, là. Ben ouais, écouter des épisodes de Caméra 88 sur notre TV en bois. Ah, puis... le bon vieux temps. Oh que oui. Ah, TQS à son meilleur. Eh boy. Fait qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le menu que je voulais dire aussi? Je sais bien pas. Mais... Ah ben oui, il faut parler de son party aussi, parce que plus qu'on progresse dans le jeu, il y a toujours un body qui va nous suivre. Ouais, mais chacun des bodies a une habilité spéciale qui t'aide à progresser. Ouais. Si c'est pas de ça, t'avances pas. Non, c'est Puis il faut absolument que t'ailles le bon body au bon moment pour pouvoir déclencher soit la mission ou débarrer. Puis ça, tu peux le changer quand tu veux. Là. Ouais, c'est on the go, tu te promènes. Autant en combat que dans la ville. Puis c'est vraiment cool parce que justement, tu peux décider qui c'est que tu vas amener avec toi. Au début, t'as juste Butters. Ouais. C'est quand même très le fun. Ouais. Cool, Butters. Puis plus t'avances, tu commences à unlocker les autres. Tu vas avoir Stan, Kenny, Cartman, Cal. Ouais. Tu vas pouvoir avoir aussi. Ouais, faut pas oublier Jimmy aussi, le petit infirme. Ouais, Jimmy. Jimmy, on se bat contre lui à un certain point dans le jeu, puis il devient notre ami après. Parce que, bon, les événements dans l'histoire font en sorte que tout le monde doit se rallier. Fait que là, ça devient une espèce de grosse quête à la Lord of the Rings. Mais là, faut que je dise de quoi sur Jimmy, parce qu'ils ont fait un coup de génie. Si. Parce que Jimmy, il bégaye, tu sais. Ouais. Fait que quand il parle, il bégaye. Puis il va avoir vraiment un temps où on tourne dans une cutscene, il va se mettre à bégayer. Puis là, t'as l'option de le skipper. Fait que tu peux juste dire skip, faire comme ok, ta gueule, genre je veux jouer. Ou tu peux le laisser aller. Puis si tu le laisses aller, là. Je t'assure qu'il allait avoir de quoi. C'est quoi? Il y a rien. Il y a rien. Ça fait juste finir. Sauf que pendant 2 minutes, il bégaye, puis tu le regardes aller, puis tu fais juste faire comme. C'est génial. C'est parfait. C'est drôle parce que je m'attendais un peu à ce que ce soit ça, mais je me suis dit fuck off, j'ai juste envie de continuer à jouer. Après, genre 2 minutes, il finit sa phrase, puis c'est comme si de rien n'était. Fait que c'est même pendant 2 minutes. Ah, écoute, c'est parfait. C'est vraiment genre, il aurait pu juste faire ok, on le coupe ou whatever. Non, t'as le choix si tu veux passer à d'autres choses là ou juste de le laisser aller puis d'en profiter. Ah, que c'est beau là. Ah, on aime ça. Et que c'est beau. Donc, plus qu'on progresse nous-mêmes de niveau, plus que nos bodies vont progresser de niveau, ce qui va débarrer plus de leurs habiletés à eux. Évidemment. Qui sont toujours très le fun à voir aussi. On a Professor Chaos avec Butters qui nous donne le... En fait, c'est plus comme une roulette russe. La roulette va tourner, dépendant où est-ce que, sur quel cas ça va s'arrêter, il va y avoir un power qui va se faire. Des fois, c'est pour stunner, pour donner un shield, pour attaquer directement. C'est tous des trucs qui sont utiles d'une manière ou d'une autre, ça dépend de ta situation. Si, admettons, t'as vraiment besoin d'un bouclier là, puis il te donne d'autres choses, c'est comme frustrant parce que t'aurais voulu avoir ça, c'est un gamble. C'est ça. Puis, c'est ça. Une des autres choses que je voulais finir par parler, justement, qui provient plus ou moins du Facebook, c'est la magie. Parce que, en plus d'avoir ses armes, parce qu'on a une arme à main, donc soit épée, marteau, masse ou quoi que ce soit, on a aussi une arme à distance, qui est soit une arc à flèche, des fois c'est un ray gun. Des cocktails Molotov. Des choses qu'on peut lancer à distance. On a nos habiletés aussi. Puis la magie, ben c'est ça. Ça tourne autour du pet. Toujours le pet. En fait, c'est un... On est apparemment un Dragonborn. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent de Skyrim, finalement. C'est comme le Fus Roda, là. Ben, c'est un pet. C'est un prout. C'est littéralement un pet. Là, autant qu'au début, c'est juste un petit pet que tu fais, puis tu fais juste péter sur quelqu'un, qu'à un moment donné, c'est vraiment... Tu peux contrôler où ce que ton pet y va pour aller le mettre en quelque part de précis. Et le détonner à distance. Et le détonner à distance. Ce qui devient crucial plus qu'on progresse dans le jeu, parce qu'on doit pouvoir, tu sais, le mot que je cherche, là... Ben, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Ben, tu sais, le mot pour dire que tu peux donner une distraction... Distraire! Il faut que tu distrailles quelqu'un qui te bloque le chemin. Puis, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Ouais, c'est à ça que ça sert de péter. Tu distrais, tu mets du monde en feu, puis... C'est ça, parce que cette magie-là peut servir dans le combat, quoi qu'elle ne sert pas à grand-chose à part la fonction de « gross out », c'est-à-dire ça fait juste comme faire vomir ton adversaire, puis il skip un tour, puis ça revient à toi tout de suite. C'est quand même pratique, parce que... C'est pratique. Sauf que comme tu viens de dire, avec le feu, dans l'environnement, il va avoir des chandelles, il va avoir des lampes, il va avoir des trucs qui brûlent. Donc, si tu te pètes en direction de la lampe, crée-moi que ça te déborde des affaires, puis ça trouve des chemins, puis ça te donne plus de collectibles. Ça, c'est le bout qui est le fun aussi du système de combat, c'est que au lieu d'être des random encounters comme dans la plupart des RPG de type classique un peu, c'est vraiment, tu vois les ennemis quand tu te promènes sont là. Puis si tu décides de les attaquer, mettons, avec ton épée en premier, ben là, tu auras l'avantage au combat. Ouais. Si eux autres t'attaquent en premier, c'est eux autres qui ont l'avantage. Ouais. Tu peux littéralement les tuer justement en faisant des explosions. Oui, parce qu'il y a moyen de les attaquer avant de rentrer dans la scène de combat. Souvent dans une zone où il va y avoir des ennemis, il va y avoir des traps que tu peux faire, puis utiliser tes pouvoirs pour les tuer à partir de ces traps-là. Puis c'est vraiment cool parce que... Puis, contrairement à d'autres justement RPG qui feraient en sorte que tu te tues facilement, on te donne pas d'expérience, ben là ils te donnent l'expérience pareil. C'est comme si tu l'avais battu. Fait que ça, c'est cool. T'as été assez analytique pour voir que dans l'environnement quelque chose allait servir. Ouais, c'est ça exactement. Fait qu'il récompense quand même le fait que t'aies pensé à comment t'allais le tuer, à comment t'allais approcher le combat, t'sais, autrement que juste rentrer dans le tas puis sacrer un coup d'épée. T'sais. C'est pas toujours subtil ou évident. Il faut juste porter attention à l'écran parce qu'il va y avoir plein d'objets qui vont scintiller légèrement. Un petit brillant là. Fait qu'il faut juste savoir que bon, on va prendre notre arc, on va pitcher une flèche là, puis là, ça va casser, ça va donner accès à du feu, puis là, tu peux péter, puis boum. Exactement. Fait qu'au lieu de te battre contre trois adversaires, tu te bats contre rien qu'un. Ouais. Pis ça, c'est quand même pas pire. Ouais, tu sais, on aime ça. Quand tu sais qu'il te reste pas beaucoup de vie, puis t'es sur le bord de mourir, c'est le fun. Fait que la plupart des environnements dans South Park, ils sont à peu près tous accessibles. Fait qu'on n'a pas juste la ville, là. On va dans l'école, la South Park Elementary, on va dans le poste de police, on va dans le centre communautaire, dans le bar, dans à peu près toutes les maisons. Quoi qu'il y a des maisons qu'on vient pour rentrer, puis. Il se passe de quoi dans la porte, puis la porte se referme assez rapidement. Ouais, c'est ça, c'est des affaires un petit peu louches. Exactement. Puis, comme on disait tantôt, on peut aller au Canada. Ouais. Puis c'est dans la forêt mystérieuse et magique. Là. Et c'est hallucinant ce qu'ils ont fait parce que c'est le pays de Terrence et Philippe. Puis du moment que tu arrives au Canada, c'est vraiment comme une map, genre 8 bits, 8, ben 16 bits, mettons. C'est tout fait en top view, tu te promènes, t'as des ennemis sur la map. Ça fait vraiment super archaïque, c'est comme si le Canada était genre arriéré des États-Unis. Là. Ouais, puis malheureusement, je me suis pas rendu là dans mon gameplay parce que j'ai une quête qui m'y amène justement, puis j'avais pas l'article nécessaire pour la... Non, c'est ça. Pour mais un coup, t'es rendu, c'est vraiment, là, tout est en top view avec une belle map du Canada en 8 bits, c'est... C'est parfait, puis tu vas dans les villes, tu vas dans... À Ottawa, puis... C'est aussi gros que ça. Ben, je veux dire, la map est pas grosse, mais tu sais, comme c'est en top view, tu sais, un peu comme les vieux RPG, genre Final Fantasy, où t'as une grosse map, t'as vraiment des spots sur la map. C'est un peu le même principe, là. Fait que tu vas dans le village, tu vas parler à du monde, c'est vraiment n'importe quoi, on aime ça. Fait que, bon, mais tu vois, pour dire que j'ai hâte de remettre la main sur la copie que j'ai dû... Rapporter. Panner hier. Pour acheter de la bière pour asseoir. Fait que, non, c'est ça. Puis dans la forêt, on va à un moment donné rencontrer les animaux de la forêt. Là. C'est ceux qui sont tous cute puis qui parlent de sida puis de tout ça. Puis si tu décides d'être ami avec eux autres, tu deviens genre un sataniste dévoué. Puis c'est vraiment. Tout le monde est là. C'est tellement. Ah, écoute, si moindrement vous avez aimer South Park à un moment donné dans votre vie, vous devez jouer à ça. Achetez-vous une console, achetez-vous un PC, peu importe, là, mais. Puis si vous n'êtes pas le genre de personne qui aimait jouer à des turn-based RPG, ben dites à votre ami qui aime ça de le jouer puis de vous inviter quand il va jouer pour que vous puissiez apprécier toutes ces belles scènes-là. Essayez-le pareil parce qu'il est accessible comme turn-based RPG. Oui, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai pas été un fan de Final Fantasy et compagnie, là, mais j'avoue que je prends plaisir à analyser le combat puis à trouver mes tactiques. Non, c'est ça. Non, j'aime ça. C'est juste assez simple pour que n'importe qui puisse s'embarquer, puis c'est juste assez funné pour que tu puisses rester. T'sais. Ça, c'est vraiment un beau combo, puis ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Je sais plus trop quoi rajouter là-dessus. Non, c'est un très bon jeu. Puis un petit coup de cœur là. Un petit coup de cœur. Quand t'arrives au KKK, au quartier général. C'est dur à dire, tu sais. Quand t'arrives au quartier général du Kingdom of Koopa Keep, qui est donc la planque à Cartman, il y a une échelle qui te permet de monter dans une des tourelles. Ouais. C'est niaiseux, là, mais juste le pan de caméra. Ouais, quand tu vois la ville. Quand tu vois la ville. C'est le fun, c'est beau, c'est bien pensé. On te montre le royaume de tout ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce qui est le fun avec ça, c'est que faut pas oublier que c'est juste des enfants de 3e, 4e année qui sont dans leur tête dans une quête qui est tellement plus grande et plus épique que tout ce qui existe. Non, c'est... Que leur imagination est si forte que ben, tu sais, c'est ça l'affaire, là. C'est les enfants contre les adultes. Les adultes sont trop sérieux. Les enfants, eux autres, ils prennent rien au sérieux. Non, c'est puis ça. Leur univers, c'est ce qu'ils prennent le plus. Puis là, ben, c'est ça leur trip, là. Mais... c'est les Game of Thrones de ce monde. Mais et ce qui est le fun, c'est justement, c'est qu'ils se prennent tellement au sérieux, mais il y a tant des moments où ils vont comme lâcher. Mettons, t'arrives à un moment donné, puis là, t'as les parents qui arrivent, c'est comme, OK, vous avez brisé le couvre-feu, fait que faut vous rentrer, puis là, ils déconnectent, tu sais. T'as une coupe de passe de même où, tu sais, ils déconnectent un peu, genre, t'as. Ah, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais t'as un des enfants que lui, il veut jouer à la guerre pis tout ça, mais au lieu d'être genre un elfe ou un humain, ben c'est un bonhomme de Star Trek, tu sais, pis il ouais. fait juste commenter les affaires de Star Trek, t'as peut-être Cartman qui est comme « Non, t'ailleurs, on joue pas à Star Trek », tu sais. C'est quand même drôle que, tu sais, oui, ils se prennent au sérieux, mais ils ont réussi à mettre des petits « in » de genre « OK, c'est des enfants, c'est pas juste... » C'est des enfants qui font du make-believe, c'est pas juste... Ouais. vraiment des enfants elfes ou des enfants... Puis tout ça dans la ville de South Park, dans laquelle se déroulent des événements, ma foi, tragiques. Ah, c'est ça. Puis eux autres, c'est comme s'ils voyaient pas la gravité de la situation, puis ils font juste leur petit bonhomme de chemin à travers tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ils vivent avec ce qui se passe, puis c'est tout. Il y a cette espèce de schisme-là entre la légèreté de ce que les enfants font puis la gravité de la situation, in real life, si on veut, là, que je trouve que l'approche pour tout ça est géniale. Non, c'est vraiment bien fait. C'est aucun doute là-dessus. Ouais, puis tu sais, puis quand tu parlais de décrocher, ben quand ils sont dans leur rôle de guerrier ou de que ce soit, ils peuvent pas décrocher. Fait quand mettons Stan arrive à un moment donné puis il dit "Hey, on a intercepté un tweet là qui dit que eux autres ils vont se rencontrer, t'as Cartman qui dit non, faut que tu le dises d'une autre manière." C'est Star Raven. C'est ça, on a intercepté leur corbeau voyageur. Tu sais, c'est ce quatrième mur là qui est tout le temps brisé là, il fait que c'est le fun parce que on se rend compte que pour des enfants, c'est ça qui est important, c'est leur imagination. Ah, exactement. Fait que moi, en tout cas, je lève mon chapeau à ce jeu-là. Bon, c'est peut-être pas le plus grand jeu de la Terre ou quoi non, que mais ce soit, mais c'est un bon narrative. Jeu. C'est la narrative. C'est un bon jeu qui se mérite d'être sur les tablettes, qui se mérite d'être joué. Absolument. C'est vraiment... On donne pas assez d'attention à des petits, je dis petits entre guillemets, vous me voyez pas, là, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Là. Ah, c'est puis, ça? Ok, maintenant. Ouais, il me manque un doigt depuis l'accident ici à la chaîne, mais. Ouais. Papa l'a pas aimé, celle-là. Non, c'est bien. Non. Mais non, ça vaut la peine de les encourager. Je trouve qu'il doit y avoir plus de jeux risqués comme ça, puis qui fait vraiment du fan service, parce qu'au bout du compte, les gamers, souvent, c'est le même public cible que South Park, puis c'est vraiment un bel amalgame des deux ensemble, puis c'est vraiment un Christy de bon jeu. Absolument. Fait qu'en regardant le temps, je pense que c'est pas mal le temps du verdict. Rendu là. Fait que, verdict, t'as toi et mon Gaétan. Moi, ça va être les deux, tout simplement. La bière puis le jeu. Le jeu, comme je dis, j'applaudis l'audace qu'ils ont eu de faire un jeu aussi vrai, aussi proche de la série télé, puis aussi risqué quand même. Pour ça, je dis bravo à Ubisoft et THQ avant pour avoir pris le risque de le publier puis de faire OK, on va peut-être avoir des courriels de plainte avec ça, mais ça a l'air d'avoir bien marché, fait que tant mieux. Puis ça, c'est sûr qu'il y a eu des courriels de plainte, mais whatever. Bon, ils vont juste mettre ça dans le DLC pour qu'on puisse les lire. Non, rire c'est de ça, ces gens-là. Exactement. Mais non, ça, puis sinon, pour la bière, ben c'est une bière que je connais depuis un bout, puis c'est un bon petit go-to quand tu veux une petite bière tranquille, tu veux pas te casser la tête, puis ouais, une bonne petite bière, un bon petit jeu. C'est un beau petit combo, ça. Ah, c'est pas trop pire. Eh, écoute. Ben, écoute, moi, m'en allions dire pas mal la même affaire. Fait que oui, pour moi, les deux, la bière qui est succulente, qui est pleine de saveurs, qui surprend par sa légèreté malgré sa pesanteur alcoolique, si on veut. Mais non, t'as très bonne balance, super bon goût, ça descend bien, ça épouse toutes les formes de ta bouche. Ça te fait dire que c'est là, puis que... C'est une bière qui aime caresser ta bouche. Oh! Oh, hein? Ouais, c'est pas un Barry White pour mettre en arrière? Non, on a juste My du chef. Darling, on a chef. I'm gonna make love to you softly. puis c'est ça, le jeu de South Park. Comme je vous dis, j'ai joué 18 heures. Il y a encore plein de choses à faire. Je suis même pas allé au Canada. Il y a cette contrée-là que j'ai pas rencontrée encore. Fait que j'ai bien hâte d'y continuer. Ben, c'est cela. Ouais, c'est ça qui est ça, puis je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Pas mal! Yes. Fait que, est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous songez y jouer? Est-ce que vous voulez en parler, en discuter avec nous? Sentez-vous libre de laisser des commentaires de sur notre Facebook, de sur notre Twitter, principalement de sur le Twitter. Ouais. Ben en fait, notre Facebook, c'est notre Twitter, fait que du mal ou du c'est autre, pas mal la même chose. Mais on est bien avenant. Quand vous nous parlez, on aime bien ça répondre. Ah, écoute, on est présent, on aime ça jaser, puis ouais, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour vous autres, c'est pas. Ouais, ben un peu pour nos foies aussi, là, mais on y reviendra. Ben en fait, c'est justement pas pour nos foies parce qu'on les tue petit peu à chaque épisode, là, c'est pour ça qu'on se tue un petit peu pour vous autres. Exactement. Fait que, bon, on va terminer aussi en remerciant encore une fois Arnaud Audette, alias Verpact, pour cette fabuleuse musique d'intro. Ben oui, merci encore, c'est un très bon jingle. Apparemment, on va en avoir d'autres. Fait que restez à l'encoute. D'un coup qu'il y ait des variations dans le thème. D'un coup. Et puis, sur ce, n'oubliez pas de faire pause et de peser sur sauvegarde. Pour qu'on puisse reprendre ça la prochaine fois. Exactement. Fait que, merci. À la prochaine.